Je suis le slammer escroc. Normal qu'à m'entendre, certains montrent les crocs. Je me suis pas lancé pour la poésie, mec. Mon but initial, c'était de partir au Québec. Alors je développe peu à peu mon arnaque. Partout où je peux, j'utiliserai le nom Pagnac. Certains slams pour assouvir leur faim. Moi, j'utilise le slam pour arriver à mes fins. Mon escroquerie n'est pas en bande organisée. Elle est vilaine et bien pensée, t'appelleras pas Julien Courbet. Je prépare un prochain coup à coup de crayon dans mon carnet. Surveille les environs, j'attaquerai peut-être dans ton quartier. Après québécophile, certains m'ont dit t'as du talent. Pourtant ces quelques lignes n'existaient pas deux jours avant. Mais j'ai flippé au sentier qu'on grille ma supercherie. Quand on m'a dit clairement que j'avais rien à foutre ici. C'était pas dit méchamment, non, c'était même plutôt honnête. Mais dans ce monde, ceux qui réussissent, ce sont les traîtres. Je me suis juste adapté, faut croire que j'y arrive. Ce que je peux y gagner, c'est ça mon leitmotiv. Pour l'écriture, aucune technique, je suis maniaque de la panique. Tu piges la méthode paniaque à la va-vite. Comme un devoir de fac, combattre l'en deux trois lignes. Côté du texte, je m'en contrefous, mon slam est contrefait. C'est mal tissé, c'est trop mou, c'est de la merde, c'est pas bien fait. Mais c'est la graine que j'aime pour récolter ce que je veux. Que tu me détestes ou que tu m'aimes, tout ça m'importe peu. Tu vois, en avril 2012, j'avais dit « Le Québec est en mon âme depuis que je suis tout petit, tabarnak. » Si j'avais eu besoin de thunes, j'aurais dit ceci. « Le Qatar est en mon âme depuis que je suis tout petit. » Ouais. Mise en route du cerveau, tu commences à comprendre qu'à part à moi-même, j'ai aucun compte à rendre. Bah ouais, mais je suis pas le seul à utiliser les mots comme matière première pour amasser les cadeaux. La différence est dans l'honnêteté. Je vous dévoile le poteau rose, soyons sur pied d'égalité. Je suis honnête avec vous, face à moi, pas de blague. Sincérité garantie par Pagnac. Hey, on m'a lancé un jeu et je suis rentré dedans. 20 ans. Ni bête ni méchant, si je fais ça c'est par loisir, je me prends pas la tête. Si tu cherches l'escroquerie, elle est sûrement dans ce texte. J'ai découvert le plaisir de jouer avec les mots. Je vais quand même pas vous mentir et vous dire que je suis un pro ou que je sois. J'ai pas à me sentir légitime ou pas. J'ai juste envie de kiffer l'instant, ça s'arrête là. Et à l'heure qu'il est, que ce soit à l'UMA ou aux Eurokéennes, t'as plus de chance de me croiser au camping que sur une scène. De ce texte, voilà le sens.